Bonjour, bienvenue sur Objectif Croissance, l'émission qui met en lumière les entrepreneurs. Aujourd'hui, Bourgogne-Franche-Comté Numérique, le cluster numérique régional qui fédère et anime le réseau des professionnels du numérique, vous propose de découvrir un start-upper et son entreprise. Ça va être l'occasion de découvrir comment on innove, on ose se lancer dans l'aventure du partenariat. Bonjour Thomas Lalouette. Bonjour Pascal. Vous êtes de l'entreprise IA Drone. Alors, des mots un peu compliqués, IA comme intelligence artificielle ? Alors, nous avons joué le jeu de mots, effectivement, mais c'est pas ça, c'est surtout pour imagerie et analyse. D'accord. Et drone, alors, voilà. Que fait cette entreprise ? Donc, on fait de l'imagerie et de l'analyse aérienne. Voilà, alors, de l'imagerie, c'est quoi ? C'est de la photo ? Alors, nous faisons de la photo. C'est notre matière première à produire à partir de ces photos, de l'analyse, donc de la cartographie, de la donnée topographique et bien d'autres choses. Alors, ça sert à quoi tout ça ? Parce que c'est des mots, alors je préviens tout le monde. Thomas, il va dire des fois des trucs, on ne comprend pas toujours, donc on va essayer de décrypter. Alors, topographie, analyse, qui utilise ça en gros, les premiers clients, c'est alors, qui ? Alors, les premiers clients sont principalement, donc à 80% de mon chiffre d'affaires, c'est surtout des besoins topographiques, donc faire des très grands levées. Donc, par la voie des airs, on fait des grands levées de plusieurs centaines, milliers d'hectares pour des grands chantiers topographiques. Alors, souvent, dans c'est quoi ? C'est du cadastre ? C'est quoi ? C'est du... Ou alors, pas du tout ? C'est pas pour faire du cadastre, parce que le cadastre, il y a une notion, comment dire, réglementaire et fiscale derrière le cadastre. Non, là, on est surtout sur du donné, on est sur de la donnée dite topographique, donc pour faire de la morphologie de terrain. Voilà, pour d'accord. Des terrains, Alors, je sais qu'il y a différentes technologies, on peut faire ça par satellite, par avion, par hélicoptère, et puis maintenant par drone, alors. Exactement. Voilà, on est le maillon, le dernier maillon de la chaîne. Voilà, ça commence par le satellite à haute altitude, où on est dans des résolutions de quelques mètres, voire dizaines de mètres. L'outil le plus connu aujourd'hui, c'est l'aviation, donc qui génère par exemple pour l'IGN les grandes cartographies qu'on peut consulter sur Géoportail, sur Google Earth. Et effectivement, depuis 2012, depuis l'arrivée et la légalisation du travail aérien par drone, on fait de l'acquisition à basse altitude. Donc on vole à une altitude inférieure à 150 mètres qui nous permet de faire des acquisitions qu'on ne sait pas faire par d'autres moyens haute altitude ou moyenne altitude. Et on arrive dans des précisions beaucoup plus fines. On arrive à quoi, en gros, pour nous donner un peu un exemple ? On peut obtenir des précisions de l'ordre du centimètre de précision de résolution, donc de l'objet vu. On peut observer, comme ça, on peut cartographier une ville, un quartier ou autre, c'est ça ? Oui. Alors après, tout est une question d'échelle. C'est pour ça que les moyens sont, entre guillemets, complémentaires. Le drone est complémentaire à l'avion. On ne fait pas les mêmes travaux. Par contre, le drone permet un lever, entre guillemets, en trois dimensions. C'est-à-dire que l'avion est quelque chose qui va te voler à haute altitude et va être mobile. Le drone a la faculté d'être stationnaire. Donc, on peut faire de la modélisation dite 2D, donc faire de la cartographie plate, mais on peut faire aussi de la modélisation 3D. Et donc là, aller au-delà de la simple cartographie, mais on peut aller modéliser du bâtiment, des façades. Voir observer des choses, non ? J'ai entendu dire que des grands opérateurs surveillent leur réseau. Exactement, une grosse partie de l'activité du drone. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers, je crois qu'on est à 5 ou 6 000 opérateurs enregistrés. Le gros de l'activité est dans la simple prise de vue, le média. Ça représente à peu près 80% du marché. Et il y a une vingtaine de pourcents du marché qui est l'acquisition technique, donc la branche dans laquelle je me trouve. Et effectivement, une partie de cette activité est liée à l'observation et au diagnostic, donc aller prospecter et inspecter les pylônes télécom, les pylônes électriques, les ouvrages d'art pour la SNCF. Voilà, ça permet d'aller... Surtout, c'est un outil de prospection qui permet d'aller faire de l'observation en toute sécurité. Voilà. Il y a une grosse notion dans le drone de mettre les opérateurs en sécurité. Le drone, on en parle beaucoup, on entend beaucoup de choses, on n'a pas toujours le droit de voler. Il y a une réglementation très... J'imagine que vous suivez la réglementation de façon très fine. Tout à fait. On est aujourd'hui une équipe de 3 personnes. J'ai une personne chez moi dédiée à la réglementation. Donc c'est vraiment aujourd'hui une partie... réglementation réglementairement, qui est contraignante, certes, mais qui... qui est nécessaire, voilà, comme tout travail. Et demande d'autorisation, parce que c'est soumis à demande d'autorisation. Tout à fait. Alors, en fonction de la zone, on fait une étude et on rend au client une étude aéronautique pour dire, bah, voilà, cette zone-là doit nécessiter telle ou telle déclaration. Et ça peut aller d'une déclaration jusqu'à 5 ou 6 déclarations différentes. Pour utiliser un drone aujourd'hui, il faut des formations spécifiques, des certifications. Exactement. La réglementation donne des limites réglementaires à l'utilisation, mais aussi des limites et des impératifs en termes de formation et de déclaration. On se retrouve sur Objectif Croissance avec Bourgogne-Franche-Comté Numérique. On est avec Thomas Lelouette de la société IA Drone. Donc on était dans les drones, dans la cartographie et tout ça. Vous avez accès au client final. Comment ça se passe? Vous travaillez avec d'autres? Comment se passe votre métier? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure, il y a l'avion, il y a d'autres moyens pour faire de la cartographie et tout ça, mais j'imagine que derrière, il faut traiter aussi donc, les Tout à images. Fait. Le gros de notre activité, la partie acquisition est finalement la petite partie immergée de l'iceberg. Mmh. Le gros du travail est dans le post-traitement de toutes ces données. Et oui, on a quelques clients où on est en direct, mais surtout, on s'est spécialisé, on a vocation à être un peu un pôle de compétences dans cette technologie d'acquisition et de traitement d'images aériennes, donc qui nous a amené cette année effectivement à fonder un réseau de partenaires. Donc on a des partenaires topographes, on a des partenaires spécialisés dans tout ce qui est SIG, système d'information géographique, des personnes qui peuvent nous faire des analyses thermographiques. Alors on a un réseau de partenaires et qui fait à nous trois ou à nous quatre partenaires, on est en mesure de répondre à des sollicitations importantes et sur des dossiers nationaux. Voilà, et c'est plutôt de l'appel d'offres auquel vous répondez, ou alors c'est des sollicitations plus classiques? Oui, alors on a des sollicitations en direct, mais la volonté de cette année de fonder un peu ce cluster de partenaires, c'est de pouvoir à chacun, avec nos compétences et nos spécificités, répondre à des besoins plus gros et plus complexes. Et peut-être mettre en complément certaines technologies, justement, en fonction de ce qu'on vous demande. Voilà, c'est, ça, hein, c'est ce qui nous a, cette année, valu de recevoir le trophée de l'innovation numérique au trophée des entreprises de Côte d'Or, au mois de juin. C'est innovation numérique dans l'innovation collaborative, c'est-à-dire qu'on a présenté notre spécificité de spécialiste à mutualiser pour pouvoir proposer des prestations qui aujourd'hui vont de l'acquisition drone, mais également à du scan 3D, du mobile mapping, donc c'est du scan mobile sur véhicule, jusqu'à un partenaire avionneur cette année où effectivement on vient de faire nos premières missions pour des grands comptes dans la région. D'accord. On a fait une grande acquisition de 10 km2. Voilà. Très bien. Et tout ça depuis Surtille, hein, c'est ça? Depuis Surtille, voilà. Je suis assez attaché à mon territoire et j'ai su aussi, c'était une volonté dans mon parcours d'entrepreneur de pouvoir... je suis une jeune pousse numérique, c'est vrai qu'il a été... j'ai eu pas mal de sirènes qui ont voulu m'attirer sur le bassin dijonnais. Mais j'avais volonté à prouver qu'il était possible de trouver des gens et des compétences sur un territoire rural. Alors, on va venir un peu sur votre profil, parce que qu'est-ce que vous faisiez avant? Alors, juste avant d'être entrepreneur, j'ai eu un parcours un peu atypique. J'ai été étudiant à Dijon en génie mécanique. Pour autant, j'ai toujours été très passionné de l'aéronautique et de la photographie. Donc, ce qui m'a amené à vouloir absolument travailler chez une très belle entreprise dijonnaise qui était très connue pour l'optique. Donc ça a été la Sagem, avenue de Stalingrad, donc qui est devenue groupe Safran, donc premier groupe d'équipementier aéronautique. Et donc par ce parcours, Bourget en 2013, rencontre avec les premiers acteurs du drone civil présents au Bourget. C'est là que vous avez découvert des fournisseurs de drones, etc. Où j'ai découvert ce milieu un peu particulier, cette réglementation que j'avais déjà découvert. Et voilà, l'idée a mûri de devenir un entrepreneur et de Et comment ça se passe quand on démarre comme ça? On s'achète un petit drone facile et puis après, aujourd'hui, le drone le plus important que vous ayez, je sais pas quelle est comment on compare un drone, mais il y a tous les prix. Ouais. Ça va de plusieurs dizaines de milliers d'euros. On a un drone à 35 000 euros jusqu'à des drones qui valent 2 000-3 000 euros. Voilà. D'accord. Après, chaque drone a ses spécificités et ses précisions. Voilà. Alors mon parcours est assez atypique aussi dans la création, dans le sens où j'ai pas choisi forcément la facilité. Je souhaitais garder un lien avec l'industrie et donc j'ai proposé à mon directeur de l'époque de pouvoir faire un congé création entreprise. Donc j'ai été pendant 2 ans à temps partiel salarié. Donc vous travaillez d'un côté et monter mon projet. Voilà. D'accord. Et au bout de 2 ans, j'ai pris mon envol. D'accord, mais ça c'est bien parce qu'on peut commencer en prenant un peu moins de risques. Alors on prend moins de risques, par contre on va moins vite et surtout on a du coup zéro financement, zéro aide possible. Ah oui. C'était le parti pris, mais j'ai pu garder un lien étroit avec cette entreprise, mon ancien employeur où j'ai quand même passé 13 ans, et avoir la bienveillance et l'écoute d'un directeur qui était assez vigilant et qui était à l'écoute de ma création. D'accord. Et donc, l'entreprise est installée à Issurtie. Vous existez maintenant depuis combien de temps? Depuis 4 ans, 7 ans. Bientôt. Dans une quinzaine de jours, on fera nos 4 ans d'existence. D'accord. Ouais. Et la question rituelle, est-ce que c'était à refaire? Et si c'était à refaire, je le ferais peut-être plus tôt. c'est plutôt bien tout ça. Voilà. Alors, on va retrouver l'ensemble des interviews et de toute la filière numérique sur le site internet bfcnumérique.fr. Merci.